Mes enfants, avant que vous soyez venus au monde, votre maman avait préparé un berceau bien chaud et douillet. C'est dans ce petit nid que vous avez passé plusieurs mois, dormant, jasant, pleurant ou grinchant quelquefois. Tout était paisible autour de vous. Des visages aimés se penchaient sur votre minois, épiant vos premiers progrès, vos premiers sourires. Beaucoup de tendresse vous entourait. Vous étiez en sécurité, on veillait sur vous avec amour. Il n'en a pas été de même pour le petit garçon dont voici l'histoire. En ce temps-là, le peuple de Dieu vivait en Égypte et travaillait durement comme esclave. Sous un soleil de plomb, sans relâche ni repos, ils transportaient de lourdes pierres pour la construction des temples et des pyramides. Les pauvres, ils vont tous mourir ? On aurait pu le croire, mais c'est le contraire qui se produisit. Dieu veillait car il avait des projets pour son peuple. La misère n'aurait qu'un temps. Plus on les maltraitait, plus ils devenaient nombreux, de telle sorte qu'au bout de quelques années, ils étaient en aussi grand nombre que les Égyptiens. Le pharaon commençait à s'inquiéter sérieusement. Avait-il peur qu'ils s'en aillent ou qu'ils ne travaillent plus pour lui ? Certainement. Et ce méchant homme combina quelque chose de monstrueux. Pour arrêter cet accroissement des Hébreux, il décida que seraient mis à mort tous les garçons immédiatement après leur naissance. Oh, le vilain ! Dieu le punira ! Un autre roi se souvint de ce fait plus tard et fit de même. Savez-vous qui ? Oui, Hérode, quand il essaya de tuer le petit Jésus. Ah, ce fut horrible ! On arracha tous ces bébés à leur maman, petits êtres innocents et sans défense. On les tua sans pitié. Il y eut des pleurs et des cris. Toutes les mères se lamentaient. À ce moment même, un petit garçon vint agrandir la nichée d'une famille d'Israélites. Il y avait déjà Marie, âgée de 8 ans, et Aaron, un petit garçon de 3 ans. Comme moi. Oui, comme toi, bonhomme. Le papa et la maman se lamentaient en voyant ce joli bébé condamné à mourir. Si on l'entendait crier, les Égyptiens viendraient l'enlever. Des espions rôdaient partout. Il était difficile de le cacher. On fit l'impossible pour cela. Le père construisit une trappe dans le plancher. Et dès qu'on frappait à la porte, on allait vite l'y cacher. Ce petit manège dura 3 mois. 3 mois interminables qui mettaient les nerfs des parents à l'épreuve. Le petit manquait de soleil, il était pâle. C'est ce qui arrive lorsqu'un enfant est toujours enfermé. Il devait maigrir ? Oui, il dépérissait de jour en jour. Si cela continuait, cette pauvre petite chose n'en aurait plus pour longtemps. Il fallait faire quelque chose. Mais quoi ? Soudain, la maman eut une idée. Elle fabriqua un panier, un solide panier en osier, large et profond. À l'extérieur, elle l'enduisit de goudron, remplissant soigneusement chaque fente. Il devint ainsi imperméable et résistant à l'eau. Comme l'arche de Noé. Toute proportion gardée. La maman n'avait pas l'intention d'y faire monter un éléphant ou une girafe. Il aurait coulé. Tu crois ? L'intérieur fut garni de lin et d'étoffe afin que le poupon y soit à l'aise. Un matin, très tôt, alors que tout le monde dormait encore et que la brume planait, la petite famille quitta la demeure avec le nouveau-né. Marie tenait le panier, Aaron le couvercle et la maman le poupon. Le papa devait aller à son dur labeur ce matin-là. À la queue-leu-leu, ils arrivèrent au bord du fleuve, le Nil. Beaucoup de roseaux et de plantes grasses le bordaient. Des flamants roses dormaient encore, perchés sur une patte. Ils choisirent une petite crique en forme de demi-lune. La maman hésita une dernière fois. Mais que fallait-il faire d'autre ? Elle serra son enfant très fort contre son cœur. Les larmes coulaient doucement de ses grands yeux noirs. Pauvre petit. Marie et Aaron donnèrent une dernière bise au petit frère. On installa le bébé dans son panier, on l'attacha, on referma soigneusement le couvercle, auquel on avait fait une petite fenêtre pour qu'il puisse respirer. La maman écarta les lotus et les joncs et déposa le précieux bateau sur l'eau. C'était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Il flottait maintenant en portant tout son amour et ses espoirs. Pauvre maman, elle devait être bien triste. Comme une grosse noix, il se balançait mollement. L'eau clapotait avec tendresse pour ne pas réveiller l'enfant. Le fleuve était devenu un ami sur lequel on pouvait compter. Déjà, le soleil se levait, boule de feu à l'horizon. La vie de tous les jours allait recommencer, il fallait rentrer et abandonner le bébé flottant. La maman confia la garde du petit trésor à Marie. Celle-ci s'accroupit entre les joncs, un long roseau à la main pour ramener le précieux contenu s'il avait l'intention de partir au gré du fleuve. La cachette était sûre et Dieu veillait. Un long moment passa, tout allait bien. Soudain, on entendit un galop, deux galops, trois galops. Des chars approchaient. Marie se fit toute petite parmi les herbes humides et évita d'écraser leurs tiges pour ne pas éveiller l'attention. Des rires lui parvinrent bientôt accompagnés de tintements de bracelets. Les joncs brisés craquaient sèchement. Marie trembla comme une feuille et son cœur battit très fort. Qu'allait-il se passer si on la découvrait, elle et son panier? Les pas se rapprochaient. Elle aperçut cinq belles jeunes filles, toutes brunes, quitter leurs vêtements pour se baigner. Elles étaient à quelques pas seulement. Les petites vagues vinrent balancer le panier. Il dériva un peu sur la droite, impossible de rattraper. Marie n'osait bouger. Soudain, une jeune fille, intriguée par cette noix géante, marcha dans l'eau, atteignit le berceau et le tira sur la rive. Marie sentait battre son cœur. Elle avait envie de pleurer et de courir loin, très loin. Curieuses, les demoiselles accoururent. On ouvrit le couvercle. « Oh, regardez, un bébé !» Le petit ouvrit ses yeux et sourit. Il était mignon avec ses petits cheveux bouclés, ses fossettes et son petit air de souris. « Mais c'est un hébreu !» s'écria la plus belle des dames. « Qu'en faire? Il est si gentil !» En dépit des lois de mon père, je le garde. C'était la fille du pharaon? Vous l'avez deviné. Elle était tout le contraire de son cruel père. Elle était si belle et si gentille. Profitant de l'émoi général, Marie était sortie de sa cachette et s'approchait timidement, comme si elle n'était passée là que par hasard. Avec courage, cette petite bonne femme de 8 ans osa parler à la princesse et lui dit que le petit devait avoir faim, qu'il fallait aller chercher une nourrice. La fille du pharaon accepta. L'idée était bonne. Marie courut chercher sa maman qui, toute heureuse, dissimulant mal ses larmes de joie, accepta ce rôle providentiel de nourrice. Elle retrouvait son enfant. Il fut décidé que la nourrice garderait le bébé jusqu'à ce qu'il soit un peu plus grand. Alors, elle irait le conduire au palais car la princesse voulait en faire son fils adoptif. Quelques années plus tard, on vit une maman radieuse amener par la main un petit garçon bouclé, solide et souriant au grand palais du pharaon. La princesse l'attendait comme convenu. Elle l'adopta et se promit d'en faire un grand homme. Elle lui donna le nom de Moïse, ce qui signifie « sauvé des eaux ». Moïse, sauvé des eaux, deviendra plus tard celui qui sauverait Israël de l'esclavage. Voyez, mes enfants, comme Dieu est bon. Il n'avait pas oublié les gémissements des siens. Il préparait dans son amour les chemins de la liberté.